Sandy, comment on peut reconnaître Gérard dans un train? C'est une blague qui est dans le connard en gilet, mais qui est rigolote, tu verras, elle est pas méchante. Je crois que j'ai déjà eu j'ai déjà vu la réponse. C'est le seul qui cherche les chiottes dans la locomotive. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Non, c'est bien. C'est tout ce qu'on lira là-dessus, parce que c'est un torchon, ce truc. Non, je l'ai vu, donc c'est de la merde.